الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة Le cours que nous allons commencer, bi'idhnillah azawajal, est à la demande d'un frère qui a jugé cela utile au vu du besoin de clarification sur le sujet qui, d'après ses dires, reste souvent un peu flou pour beaucoup de frères concernés. On va donc essayer, avec l'aide d'Allah azawajal, d'aborder les questions les plus importantes et les plus inclusives possibles sur le sujet. Et nous allons tenter au mieux de clarifier les jugements s'y appliquant. Le sujet donc que nous allons aborder, c'est az-zakat, la zakat. La zakat, dans la langue arabe, ça a le sens de annama wa ziyada, la croissance, l'augmentation et la multiplication. Et ça vient aussi dans le sens de at-tathir, la purification. Comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim. Inna salataka sakanun lahum. En traduction approximative du sens, prends de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis, et prie pour eux. Ta prière est certes une quiétude pour eux. C'est le verset 103 de Surat At-Tawbah. Cheikh As-Sa'di, il dit dans son tafsir, à propos de cette ayah, à propos de la parole d'Allah Azzawajal, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ay tutahhiruhum min ad-dhunubi wal akhlaq ar-radila. Tutahhiruhum min ad-dhunubi wal akhlaq ar-radila. C'est-à-dire, à propos de la parole d'Allah Azzawajal, par laquelle tu les purifies et les bénis, c'est-à-dire qu'elle, la zakat, les purifie des péchés et des comportements dégradants et immoraux. Donc, la zakat, donc, ceci démontre donc que la zakat a comme sens littéraire, dans la langue arabe, a comme sens littéraire la purification. Ça a comme sens littéraire la purification, comme ça a comme sens littéraire la croissance et l'augmentation. Et il dit aussi, cher Saadi, dans son tafsir, à propos de sa parole, « Watuzakihim » et « Il est béni »« Ey tanmihim »« Watazidu fi akhlaqihim l'hasana »« Wa a'malihim as-saliha » وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي وتنمي أموالهم. Le cheikh Saadi, donc, il dit à propos de sa parole, il est béni, c'est-à-dire qu'elle, la zaka, les fait croître et elle augmente leur bon comportement et leurs bonnes œuvres et elle augmente leur rétribution dans ce bas monde et dans l'au-delà et elle fructifie leurs biens. Donc, c'est-à-dire qu'elle, la zaka, fait croître et elle augmente leur bon comportement et leurs bonnes œuvres. Et elle augmente leur rétribution dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et elle fructifie leurs biens. Donc, ceci démontre aussi que la zakat, donc, vient aussi dans le sens de croissance et multiplication. Donc, la zakat, c'est quelque chose qui donc, fructifie les biens. La zakat fructifie les biens. Et donc, dans cette ayah, dans cette parole d'Allah Azzawajal, on a donc les deux sens, le sens de la croissance et le sens de la purification. Dans sa parole, tutahhiruhum wa tuzakkihim. Donc, elle les purifie et elle les bénit, c'est-à-dire qu'elle fait, elle met la baraka, elle fait donc croître et augmenter. Leurs biens et fructifier leurs biens. Donc, la zakat fait donc augmenter les biens et les fructifier. Et ça peut, ceci peut poser un problème à certaines personnes qui vont se dire, mais comment on diminue une partie de l'argent de quelqu'un? En enlevant donc ce pourcentage qu'est la zaka. Mais, et vous dites que ça fait croître, ça fait augmenter, ça fait fructifier l'argent. قال الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Allah Azzawajal, il a dit donc dans son noble livre, en traduction approximative du sens, et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace et c'est lui le meilleur des pourvoyeurs. C'est le verset donc de Surat Saba. Donc dans ce verset est donc un argument et une preuve que Allah Azzawajal, il remplace à la personne qui dépense dans son sentier et pour le bien, qui dépense fi sabilillah, Allah Azza wa Jal, il lui remplace ce qu'il a dépensé. Et donc, c'est un argument clair qui démontre que la zakat ne diminue pas l'argent de la personne qui la sort. La zakat ne diminue pas l'argent de la personne qui la sort. Et Cheikh As-Sa'di, rahimahullah, il dit dans le tafsir de cette ayah, il dit فَلَا تَتَوَهَّمُوا أَنَّ الْإِنْفَاقَ مِمَّا يُنْقِصُ الرِّزْقَ بَلْ وَعَدَ بِالْخُلْفِ لِلْمُنْفِقِ الَّذِي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. Donc, Cheikh As-Sa'di, rahimahullah, donc, il dit dans l'explication, dans l'exégèse du verset, de ce verset qu'on a cité précédemment, qui est le verset 39 de Surat Saba, il dit, ne vous imaginez pas que la dépense dans le sentier d'Allah fait partie des choses qui diminuent la subsistance. Ne vous imaginez pas que la dépense dans le sentier d'Allah fait partie des choses qui diminuent la subsistance. Au contraire, a promis à celui qui dépense, de lui remplacer cette dépense, celui qui étend la subsistance de qui il veut et la restreint. Donc, cher Saadi, il dit clairement, il ne faut pas s'imaginer, ne vous imaginez pas que la dépense dans le sentier d'Allah fait partie des choses qui diminuent la subsistance. Au contraire, a promis, c'est-à-dire Allah Azawajal, a promis à celui qui dépense de lui remplacer cette dépense, celui qui étend la subsistance de qui il veut et la restreint, c'est-à-dire Allah Azawajal. Donc c'est une promesse d'Allah. C'est une promesse d'Allah Azawajal de remplacer. Et certes, la promesse d'Allah est véridique. Inna wa'dallahi haqq. La promesse d'Allah est certes véridique. Donc il a promis à celui qui dépense dans son sentier de lui remplacer sa dépense. De lui remplacer sa dépense. Et donc, c'est un argument clair qui démontre que la zakat ne peut sortir la zakat des biens qu'on possède ne peut en aucun cas diminuer ces biens-là. Ne peut en aucun cas diminuer ces biens-là. De même qu'Allah Azzawajal, il dit dans son noble livre, Man dalladhi yukridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Donc Allah Azzawajal, il dit dans son noble livre, en traduction approximative du sens, quiconque prête à Allah, c'est-à-dire qu'il dépense et œuvre, il dépense et œuvre dans la voie d'Allah, quiconque prête à Allah de bonne grâce, il la lui rendra multipliée plusieurs fois. Il la lui rendra multipliée plusieurs fois. Allah restreint et étend ses faveurs et c'est vers lui que vous retournerez. C'est le verset 245 de Surat al-Baqarah. Donc, dans ce verset, Allah Azzawajal, il dit donc, Man dalladhi yukridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira. Quiconque prête à Allah de bonne grâce, il la lui rendra multiplié plusieurs fois. Allah Azzawajal dit bien qu'il lui rendra cela multiplié plusieurs fois. Ceci donc est un argument qui vient s'ajouter à ce qu'on a cité précédemment, qui montre que, au contraire, Allah Azzawajal ne fait pas que remplacer. Allah Azzawajal ne fait pas que remplacer à la personne qui dépense dans son sentier, mais il lui multiplie cela, il lui rend cela en multipliant cela plusieurs fois. Hein? Il lui, comme c'est prouvé par ce verset, il la lui rendra multipliée plusieurs fois. Donc il lui rend sa dépense multipliée plusieurs fois. Donc ceci est donc un argument que la zakat, comme cela est son sens littéraire, la zakat fait augmenter, croître et multiplier les biens. La zakat fait augmenter, croître et multiplier les biens, comme elle les purifie aussi. Donc, il faut prendre cela comme une règle. Il faut prendre cela comme une règle que toute dépense dans le bien, toute dépense, fi sabilillah, que le musulman peut faire, quelle que soit la dépense, quelle que soit l'œuvre que le musulman peut faire, fi sabilillah, il a la récompense et la rétribution ici-bas d'abord. Allah Azzawajal lui le récompense ici-bas et le rétribue ici-bas en multipliant cette récompense. Hein, et il lui remplace sa dépense en la multipliant plusieurs fois ici-bas. Tout ce que tu peux faire comme sadaqat, comme dépense, fi sabilillah, pour aider les musulmans de quelque manière que ce soit, dans la da'wah, dans l'aide à la veuve, à l'orphelin, ainsi de suite. Donc, cela, il faut être certain qu'Allah Azzawajal te le rend d'abord ici-bas. Allah Azzawajal te le rend ici-bas, multiplié, et avant la récompense de l'au-delà. Donc, les dépenses dans le sentier d'Allah Azzawajal ne diminuent pas les biens de la personne, au contraire, ça les fait augmenter. Au contraire, ça les fait fructifier et ça les fait augmenter. On doit avoir la certitude sur cela. Et les preuves qu'on vient de citer le démontrent. Et ce n'est donc que Shaitan, alayhi la'natullah, qui nous fait craindre la pauvreté et nous rend avares de dépenses dans le sentier d'Allah Azzawajal. Ça, ce n'est que l'œuvre de Shaitan. Comme l'a dit Allah Azzawajal dans son noble livre, Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha, wallahu ya'idukum maghfiratan, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un 'alim. En traduction approximative du sens, le diable vous fait craindre la pauvreté et vous incite des actions honteuses, comme le fait de ne pas payer la zakat. C'est une action, c'est une action honteuse. Le diable donc vous fait craindre la pauvreté et vous incite à des actions honteuses, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur de sa part. Voilà encore un autre verset qui démontre qu'Allah Azzawajal, donc c'est Shaitan qui nous fait craindre de dépenser dans la voie d'Allah Azzawajal, alors qu'Allah Azzawajal nous a promis pardon et faveur venant de sa part. Lorsqu'on dépense, on s'attire les faveurs d'Allah Azzawajal. Et s'attirer les faveurs du roi des rois et du Seigneur des univers, c'est mieux que s'attirer les faveurs, c'est beaucoup mieux que s'attirer les faveurs des gens de ce bas monde, qui ne peuvent rien pour nous. Alors qu'Allah Azzawajal, c'est lui qui détient toutes choses et c'est lui qui détient, c'est lui qui détient les richesses des cieux et de la terre. Donc ça c'est le verset que je viens de citer, c'est le verset 268 de Sourate Al-Baqarah. Et autre preuve indiquant que dépenser dans le sentier d'Allah ne diminue pas les biens, mais c'est plutôt le contraire, est le hadith rapporté par At-Tirmidhi et Ahmed. D'après Abdallah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, dans lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit: Tabi'u bayna al-hajj wal-umra, fa innahuma yanfiyan al-faqr, wa al-dhunub. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. Faites suivre entre le Hajj et la Umrah, car ils éliminent la pauvreté et les péchés. Faites suivre entre le Hajj et la Umrah, car ils éliminent la pauvreté et les péchés. Donc c'est la même chose. La personne pourrait se dire, comment, parce que dépenser, faire le Hajj et la Umrah, faire suivre, tu fais le Hajj, après le Hajj tu fais une Umrah, ou bien tu fais une Umrah, après tu fais le Hajj. C'est beaucoup de dépenses. C'est beaucoup de dépenses que la personne fait. Ce n'est pas quelque chose qui est donné. Et la récompense est en fonction de l'effort, comme vous le savez. Et donc, ce hadith, il démontre comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, et Allah azawajal a dit à son propos, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne dit rien, il ne prononce rien de par sa passion, ce n'est que révélation inspirée. Donc les hadiths du prophète, ça fait partie de la révélation. C'est pour ça qu'on ne fait pas de différence. Hein? C'est les gens de la bid'a, les gens de l'égarement qui font la différence entre le Coran et la sunna. Les gens qui vont te dire que non, telle chose, ce n'est pas dans le Coran, donc ce n'est pas interdit. Ça, c'est un égarement. Qu'y a-t-il après la vérité si ce n'est l'égarement? C'est un égarement énorme de dire ce genre de choses. Le hadith, ça fait partie de la révélation. Le hadith, ça fait partie de la révélation parce que sans le hadith, on ne saurait pas comment faire la prière, on ne saurait pas comment faire le hajj, on ne saurait pas comment faire beaucoup d'adoration. Donc il n'y aurait pas de religion. Si la personne supprime le hadith, supprime complètement. Ça veut dire que c'est une apostasie de la religion totale. Et donc, le prophète, donc, il dit donc dans ce hadith, qui est un hadith authentique, il dit donc, faites suivre entre le hajj et la umrah, car ils éliminent la pauvreté et les péchés. Donc, si une personne veut fuir la pauvreté, voilà une des causes. Faire suivre entre le hajj et la umrah. Faire suivre entre le hajj et la umrah, ça élimine les péchés. Ça élimine les péchés. Et vous savez que la personne qui fait le hajj, il redevient comme celui qui a un hajj fait selon la sunna et avec sincérité. Que ce hajj est accepté par Allah Azawajal, il redevient comme le jour où sa mère l'a mis au monde. C'est-à-dire pur de tout péché, qu'il soit grand, les grands péchés ou les petits péchés, il devient pur de tout péché. C'est un mérite énorme. C'est un mérite au vu de l'effort que la personne fait. Parce qu'il fait un effort physique, il fait un effort financier. Donc, c'est une immense adoration. Et donc, le prophète, dans ce hadith, il donne donc le mérite de faire suivre le hajj et la umrah. Tu fais une umrah, tu la fais suivre d'un hajj. Tu fais un hajj, tu la fais suivre d'une umrah. Un mérite énorme. Et ça t'éloigne de la pauvreté aussi. Ça éloigne de toi la pauvreté. Donc quelqu'un qui veut vivre dans l'aisance, qui veut vivre loin de la pauvreté, voilà donc une cause légiférée pour atteindre cet objectif. Donc, comme je le disais, donc c'est beaucoup de dépenses, et pourtant, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ça élimine la pauvreté. Donc, ceci démontre que dépenser dans le sentier d'Allah, c'est min asbab al-risq, ça fait partie des causes pour l'augmentation de la subsistance. Ça fait partie des causes pour s'attirer les barakat, les bénédictions d'Allah Azawajal. Et ça fait partie aussi des causes pour éliminer les péchés. Donc la personne, lorsqu'elle voit ses preuves, elle ne doit pas chercher à comprendre. Tu ne dois pas chercher à comprendre. Tu dois faire ce qui t'a été recommandé. Car certes, les paroles d'Allah et de son prophète sont sans aucun doute véridiques. C'est pour ça que l'imam al-Nawawi, rahimahullah, il dit dans son commentaire de Sahih Muslim sur le fait que la zakat fait fructifier, augmenter les biens, il dit la parole suivante: فَالْمَالُ يُنْمَى بِهَا مِنْ حَيْثُ لَا يُرَى. Il dit les biens sont fructifiés par elle la zaka d'une manière qui n'est pas visible. Les biens sont fructifiés par elle la zaka d'une manière qui n'est pas visible. Donc, il nous est demandé d'appliquer et de suivre ses recommandations et de croire fermement et de croire avec certitude à ce qu'Allah Azzawajal a promis. Et il se peut que cela soit, ça se manifeste sous une forme de baraka qu'Allah Azzawajal émet dans tes biens et dans ton argent, de sorte qu'avec peu de moyens, tu arrives à faire beaucoup de choses. Et on le voit, ça, la baraka, c'est quelque chose de subhanallah. On peut donner à deux personnes la même somme d'argent, mais ce que l'autre va pouvoir faire comme khair, comme réalisation avec cet argent, le profit qu'il aura avec sa somme d'argent ne sera pas le même que l'autre. L'autre va dépenser, il aura l'impression que cet argent est insuffisant. Alors que tu donnes le même argent à une autre personne, et c'est comme si tu lui avais donné une énorme fortune. Et il va dépenser, peut-être qu'il va encore en rester, il va dépenser, peut-être qu'il va encore et il va en rester encore beaucoup de cet argent-là. Et ça, c'est la baraka d'Allah Azzawajal. Et c'est quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. Et ça fait partie de la manière de fructifier les biens qu'Allah Azzawajal peut accorder à quelqu'un. Ça fait partie de la manière de fructifier les biens qu'Allah Azzawajal peut accorder à quelqu'un. Ou alors, tes biens peuvent être réellement multipliés, sauf que voilà, tu ne t'en rendras peut-être pas compte. Tes biens peuvent être réellement fructifiés, sauf que peut-être tu ne t'en rendras pas compte. Mais ce qui est sûr, c'est que toute dépense que tu fais pour Allah, fi sabilillah, ça t'éloigne et ça te préserve de la pauvreté. Ça t'éloigne et ça te préserve de la pauvreté. Et c'est plutôt l'avarice de dépenses, être avare en dépenses dans le sentier d'Allah, surtout dans ce qui est obligatoire, surtout dans ce qui nous est obligatoire. C'est ça donc qui ruine et qui peut être une cause de pauvreté. Parce qu'on parle bien sûr ici de le musulman n'est pas blâmé pour ce qui n'est pas obligatoire. Attention. Ce qui est surérogatoire, faire des sadaqas, faire du khair autour de toi, c'est recommandé, c'est pour ton bien. Si tu le fais, c'est pour ton bien ici-bas et dans l'au-delà. Mais on ne blâme pas le musulman qui, par exemple, si tu t'acquittes seulement de la zakat et que tu fais pas de sadaka, tu donnes pas d'argent pour le khair, tu ne nourris pas le pauvre et tout. Bon, je n'ai pas blâmé pour cela tant que tu t'acquittes de ce qui est wajib. Il y a des hadiths là par rapport à cela. Il y a un arabe qui est venu voir le prophète et il a questionné au sujet de l'islam et le prophète lui a expliqué les piliers de l'islam. Et donc, il a juré devant le prophète qu'il va respecter cela sans ajouter ni diminuer quelque chose à cela. Et le prophète a donc cautionné cela en disant que s'il fait réellement ce qu'il a dit, il aura le paradis. Donc, ceci montre que si le musulman se contente seulement de faire ce qu'Allah Azzawajal, il lui a rendu obligatoire, sans ajouter, sans faire de nawafil, il fait juste ses 5 prières, sans faire même de nawafil, il fait juste son ramadan, sans juste faire de jeûne surrogatoire, il fait juste son hajj, et il paye sa zakat, il respecte scrupuleusement ces devoirs-là, il a le paradis, bi'idhnillah azawajal. Et bien sûr, avant toute chose, le tawhid, mais pas associé à Allah azawajal. S'écarter de ce cas-là, il est interdit de ne pas associer Allah Azzawajal. Donc, Quand on parle ici, et comme dans les ayats qui sont dans les versets qui sont relatifs à l'avarice qui est blâmée ici, l'avarice qui est blâmée ici. L'avarice est blâmable de manière générale, mais l'avarice qui est condamnable ici pour le musulman, dans le cadre du musulman, c'est au sujet de la zakat. Au sujet de la zakat et de ce qui est obligatoire comme dépense. Le hajj aussi, pour celui qui en a les moyens, c'est obligatoire. Pour celui qui en a les moyens aussi, le hajj, c'est une dépense qui est obligatoire. Donc voilà, toutes ces dépenses-là qui sont obligatoires, si la personne, par avarice, ne les fait pas, là, c'est condamnable et c'est blâmable. Et dans les Sahihain, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma min yawmin yasbahu al-ibadu fi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma alahuma a'ti munfiqan khalafan wayaqulu al-akhar alahuma a'ti mumsikan talafan. Donc, dans ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète dit donc: il n'y a pas un jour qui se lève sur les adorateurs sans que deux anges ne descendent. L'un d'entre eux dit: Ô Allah, donne à celui qui dépense une compensation. Et l'autre dit: Ô Allah, donne la ruine à celui qui ne dépense pas. Donc, ça c'est un hadith qui montre que dépenser dans le sentier d'Allah Azzawajal, c'est une source de risque. C'est une source de risque parce que dans ce hadith, donc, il y a deux anges. L'un est chargé de dire, de faire dua pour celui qui dépense dans le sentier d'Allah, qu'Allah lui compense cette dépense. Et l'autre, donc, il est chargé d'invoquer. Et vous savez que les invocations des anges sont acceptées. Les invocations des anges sont exaucées. Donc, quand tu dépenses, fi sabilillah, sache qu'il y a un ange qui invoque pour toi. Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ou Allah donne à celui qui dépense une compensation. Et lorsque tu te montres avare avec les biens qu'Allah Azzawajal t'a accordés, de par sa grâce, il y a un ange qui invoque aussi contre toi. Qui invoque aussi contre toi. Quand tu refuses de payer la zakat, quand tu refuses de dépenser pour faire le hajj qui t'est obligatoire alors que tu en as les moyens, quand tu refuses de faire des dépenses qui te sont obligatoires, hein, par avarice, Allah, il y a un ange qui invoque donc, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Donc, l'ange invoque la ruine qu'Allah Azzawajal, il donne la ruine à celui qui ne dépense pas. Donc, on peut donc avoir des exemples palpables autour de nous. On peut avoir des exemples palpables autour de nous de frères. Je pense qu'on connaît tous des frères ou des personnes qui dépensent beaucoup fi sabilillah Azzawajal. Et on se rend compte qu'Allah Azzawajal, il leur donne toujours les moyens de dépenser, de pouvoir dépenser encore et encore. Et tu les vois à l'abri du besoin. Walillah alhamd. Tu vois ces frères-là à l'abri du besoin parce qu'Allah Azzawajal, il leur compense, il leur remplace et il leur multiplie leurs dépenses. Fi sabilillah. On a aussi des exemples avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le meilleur d'entre eux, Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, connu pour être parmi les plus riches des compagnons et pour être très généreux. Avant l'islam, même avant l'islam, Et il a énormément dépensé pour soutenir la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a énormément dépensé. Et il était commerçant, radiyallahu anhu. Il était commerçant, radiyallahu anhu. Et donc, il a énormément dépensé pour soutenir la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca, dans les pires des difficultés. Et parmi ces dépenses nobles, il y a le fait qu'il a fait. Il a racheté sept esclaves parmi les musulmans. Il a racheté sept esclaves parmi les musulmans qui étaient persécutés à cause de leur islam. Et parmi eux, Bilal. Parmi eux, Bilal, radiallahu anhu. Donc il les a rachetés. Il les a rachetés et il les a libérés. Ils étaient persécutés à cause de leur islam. Il en a acheté sept parmi eux, Bilal. Et il est connu pour avoir énormément dépensé, que ce soit à Mecca, avant la Hijra, pendant la Hijra ou après à Médine. Après à Médine. Et à ce propos, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, rapporte, le hadith est dans Sunan al-Tirmidhi, et il a été authentifié par l'imam al-Albani. Omar radiallahu anhu rapporte que le prophète leur avait demandé de faire une sadaqa. De faire une sadaqa. Je crois que c'était pendant Ghazwat Tabouk. Il leur avait demandé donc de dépenser fi sabilillah. Et cela a coïncidé, Omar donc, il rapporte que cela a coïncidé avec des biens dont il était en possession. Et il s'est donc dit à cette occasion que cette fois-ci, il allait devancer Abou Bakr dans le mérite. Il allait devancer Abou Bakr dans le mérite et il est donc venu donner au prophète la moitié des biens qu'il possédait, fi sabilillah. Il est venu donc donner la moitié des biens qu'il possédait, fi sabilillah. Et le prophète donc lui demanda, ma abqayta li ahlik? Qu'as-tu laissé à ta famille? Qu'as-tu laissé à ta famille? Et il répondit au prophète Mithla, c'est-à-dire la même chose. Donc, il a donné la moitié de sa fortune, il a laissé la moitié à sa famille. Il a laissé la moitié à sa famille. Et donc, Abou Bakr est venu par la suite et il a donné tous les biens qu'il possédait. La totalité des biens qu'il possédait, il les a donnés, fi sabilillah. Et le prophète lui posa la même question. Le prophète lui posa la même question. Ma abqayta li ahlik? Qu'as-tu laissé pour ta famille? Il répondit, abqaytu lahumullah wa rasoula. Je leur ai laissé Allah et son prophète. Donc, Omar ibn al-Khattab, en voyant cela, il lui dit, La usabiquka ila shay'in abada. La usabiquka ila shay'in abada. Donc, Omar ibn al-Khattab, en voyant cela, il a perdu tout espoir de pouvoir devancer Abu Bakr, radiallahu anhu, dans quelque chose un jour. Donc, il a perdu, vraiment, il lui a dit, je ne te devancerai jamais dans quoi que ce soit. Je ne te devancerai jamais dans quoi que ce soit. Et donc ça montre donc on constate donc que malgré que ce compagnon radiallahu anhu, il dépensait beaucoup dans le sentier d'Allah azawajal, Allah azawajal lui a toujours donné les moyens de continuer à dépenser encore et encore. Et il était à l'abri du besoin, walillah ilham. Allah Azzawajal lui a accordé sa baraka dans ses biens et il a tenu sa promesse envers lui en lui accordant encore et en lui remplaçant ses dépenses et en lui accordant encore de sa grâce, de ses faveurs. Tout ceci donc pour dire que la zakat ne diminue en aucun cas les biens de la personne. La zakat ne diminue en aucun cas les biens de la personne. Au contraire, elle les fructifie et elle les fait augmenter. C'est un des sens littéraires donc de ce mot. C'est un des sens littéraires de ce mot, comme on l'a vu. An-nama wa ziyada. La croissance, l'augmentation. Comme ça fait partie aussi de ces sens littéraires. At-tathir, la purification. Et fait partie aussi des sens littéraires de Az-Zaka, As-Salah ou Al-Madh. Fait partie des sens littéraires de Az-Zaka, As-Salah ou Al-Madh. La rectitude et le fait de louer les qualités de quelqu'un. La rectitude et le fait de louer les qualités de quelqu'un et faire son éloge. Ça fait partie des sens aussi de Zaka. C'est pour ça qu'on dit par exemple Teskiya. On dit que par exemple tel cheikh a fait la Teskiya d'un tel parce qu'il a, il a fait son éloge, il a vanté ses mérites. Il a fait son éloge, il a vanté ses mérites. Donc c'est aussi le sens du mot Zaka. Donc c'est de là que vient donc At-Tazkiya. Yuzaki, on dit Yuzaki. Zakka, Yuzaki. Donc, comme dans la parole d'Allah Azzawajal, dans Surat Al-Najm, قال Allah Azzawajal, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Allah Azzawajal, il dit en traduction approximative du sens, ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Donc la zakat vient donc aussi avec ce sens. Et maintenant, dans la législation islamique, shar'an, la zakat c'est at-ta'abbud lillah azza wa jal bidaf'i haqqin wajib fi malin makhsous لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ. Donc dans la charia islamique, la zakat donc, ça a le sens de l'adoration d'Allah en s'acquittant d'un droit obligatoire sur des biens spécifiques pour un groupe de personnes spécifiques dans un temps précis. Donc c'est l'adoration d'Allah, bien sûr, parce qu'il faut toujours avoir comme pour toute adoration, il faut avoir la niya d'adorer Allah Azzawajal. C'est pas tu sors cet argent juste pour faire plaisir à des, à des, à des, à des à, aux pauvres. Tu sors avec la niya d'adorer Allah Azzawajal en t'acquittant de ce droit qu'il a imposé. Et donc, c'est un droit qui est obligatoire sur les biens, sur des biens spécifiques, c'est pas sur tous les biens. Donc, dans la définition, là, on dit, c'est en s'acquittant d'un droit obligatoire sur des biens spécifiques, parce que c'est pas sur tous les biens. La zakat, c'est pas sur tous les biens qu'elle est prise, c'est sur des biens qui ont été bien spécifiés. Comme on verra un peu, il y a des biens sur lesquels il n'y a pas de zakat. Donc, pour un groupe de personnes spécifiques, pour certaines personnes, la zakat s'applique pas sur tout le monde. Il faut remplir les conditions. Il y a des conditions pour que la zakat s'applique sur la personne, qu'on verra. Donc, c'est pas sur toute personne c'est pas toute personne qui sort la zakat. Le pauvre, par exemple, la personne qui est indigente, pauvre, qui n'a pas de moyens. Il n'est pas obligatoire de payer la zakat. Et même le riche, voilà, c'est sûr des biens précis et à des conditions spécifiques. Donc c'est pour un groupe de personnes précis, c'est pas tout le monde qui est soumis à payer la zakat. Et dans un temps précis, la zakat aussi se paye à un temps qui a été fixé. Comme on le verra, ça se paye un temps qui a été fixé. Ce n'est pas à tout moment que la personne est soumise à sortir la zakat. La zakat est donc un des piliers de l'islam, comme on l'a dit, et son obligation est prouvée par le kitab, la sunna et l'unanimité. Comme preuve du kitab, il y a la parole d'Allah Azzawajal, « Wa aqimus salat wa atu zakat » et en traduction approximative du sens, « Accomplissez la salat et acquittez-vous de la zakat » et sa parole « Fa intabu wa aqamus salat wa atu zakat fa ikhwanukum fid din » Mais s'ils se repentent, accomplissent la salat et s'acquittent de la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Le verset de Surat al-Tawbah. Et les versets dans ce sens sont nombreux. Les versets qui prouvent la zakat dans le Coran sont nombreux. Et dans la sunna, il y a le hadith d'Ibn Omar, fi sahihain, Bouni al-Islam al-Khams, Shahadat yan la ilaha illallah wa iqam al-salat wa ita al-zakat. L'islam a été bâti sur cinq piliers, et donc parmi ces piliers, la cité la zakat. Et l'unanimité sur le fait que la zakat est obligatoire a été rapportée par plus d'un parmi les gens de science. Et parmi ceux qui démontrent l'importance de la zakat, il y a le fait qu'Allah Azzawajal a associé la zakat à la salat à 82 endroits de son livre. Allah Azzawajal, dans le Coran, dans son noble livre, il a associé la salat à la zakat à 82 endroits. Ceci montre donc l'extrême importance de ce pilier de l'islam. Et ceci est suffisant pour démontrer donc son importance. Et si cela ne suffisait pas, il y a aussi donc la menace sévère qui pèse sur celui qui ne s'acquitte pas de la zakat. قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليهم في نار جهنم فتكوى بها جبابهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. En traduction approximative du sens, ceux qui amassent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, à ceux qui amassent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, tu peux annoncer un châtiment douloureux. Le jour où ces trésors seront portés à l'incandescence dans le feu de l'enfer et qu'ils en seront cautérisés front, flanc et dos, voici ce que vous amassiez pour vous-même. Goûtez de ce que vous amassiez. Le verset de Surat al-Tawbah. Ceci concerne donc ceux qui amassent des fortunes sans s'acquitter de la zakat. C'est donc une menace sévère à l'encontre de ceux qui amassent des fortunes sans s'acquitter de la zakat. Wa qala Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal a aussi dit dans son noble livre: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله مما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce, que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne comptent point cela comme bon pour eux, au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. C'est Allah qui a l'héritage des cieux et de la terre, et Allah est parfaitement connaisseur ce que vous faites. C'est le verset 180 de Sourate à l'Imran. Et dans Sahih al-Bukhari, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man a'tahu Allah malan falam yu'addi zakatahu مثل له يوم القيامة ثم مثل له يوم القيامة يوم القيامة مثل له يوم القيامة شجاعا مثل له يوم القيامة شجاعا من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتوق يوم القيامة ثم يأخذ باليهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون. Donc, le hadith est rapporté par Al-Bukhari, donc, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu. Et il est donc dit dans ce hadith que celui à qui Allah Azzawajal aura accordé des biens sans qu'il ne s'acquitte de sa zakat, le jour de la résurrection, ses biens prendront la forme d'un serpent à tête lisse, d'un énorme serpent à tête lisse, portant deux excroissances charnues. Ce serpent s'enroulera autour de son cou et le happera dans sa gueule en criant « C'est moi ton bien, c'est moi ta richesse. » Puis le prophète récita « Ceux qui gardent avec avarice. » Le verset. Donc, il récita donc le verset qu'on a cité précédemment. Le verset 180 de Surat Al-Imran. Donc, ceci donc sont des menaces sévères, envers les personnes qui amassent des richesses, énormes, sans s'acquitter de la zakat par avarice. Et parmi les arguments à utiliser pour démontrer la perfection de la charia islamia, est que la zakat donc est un jugement juste et équitable. Donc la zakat donc démontre que cette législation a des jugements justes et équitables qui permettent aux hommes, s'ils sont appliqués, de vivre sans problème et en totale harmonie dans ce bas monde avec leurs semblables. Contrairement aux législations humaines qui sont pleines d'injustice et d'incohérence et où au final, on se rend compte que leur application mène à des impasses. L'application des législations humaines mène forcément à des impasses. Parce que le Seigneur des univers qui nous a créés, il est plus connaisseur que nous de nos intérêts et de ce qui est bien pour nous. C'est pour ça que c'est sa loi et sa législation qui est la plus à même d'être appliquée pour que les hommes vivent en harmonie sur ce bas monde, dans ce bas monde. Donc la zakat démontre que l'islam est une religion de justice et de justesse. C'est la religion du juste milieu. Une religion où on prend en compte et on prend soin du musulman démuni et où on se soucie d'atténuer ces difficultés grâce à l'entraide, la solidarité. Donc, quand on verse la zakat aux démunis, donc, C'est un acte de solidarité et d'entraide. Donc, en cela, l'islam se situe donc à l'opposé du système capitaliste. Le système capitaliste, qui est un système injuste et corrompu. C'est un système injuste et corrompu et égoïste, où le pauvre et l'indigent n'a aucun droit. Donc, dans le système capitaliste, le pauvre et l'indigent n'a aucun droit, si ce n'est que d'être exploité davantage. Le pauvre, il n'a d'alternative dans le système capitaliste que d'être exploité davantage à travers des prêts usuriers, à travers des prêts usuriers qui vont l'appauvrir encore plus. Ou alors les jeux de hasard et autres choses néfastes et vicieuses qui ne feront donc qu'empirer sa situation. Notre religion, l'islam, quant à elle, lui a donné ce droit. Elle lui a donné ce droit donc sur les grands capitaux où on prélève donc un pourcentage. On prélève donc un pourcentage sur ces grands capitaux qu'on lui reverse. Donc l'islam se situe à l'opposé du capitalisme en cela. Et l'islam se situe aussi à l'opposé du système communiste ou socialiste. Parce que le communisme, c'est une idéologie politique qui prône la propriété collective des moyens de production et l'abolition de la propriété privée. Et ce système-là, le communisme, ça prône aussi la répartition des ressources de manière égale entre les membres de la société. Ce qui est une vision fausse, inutile et illégitime. Car Allah Azzawajal, par sa sagesse infinie, a favorisé certaines personnes par rapport à d'autres dans la subsistance, qu'il leur accorde par sa grâce. Donc ceci est une vision complètement illégitime et fausse de penser que les gens sont égaux et semblables dans la subsistance et qu'ils doivent être semblables. Parce que ce n'est pas ce qu'a décrété celui qui nous a créés, celui qui nous a créés. Et qui pourvoit à nos besoins, il accorde ses faveurs et il est restreint à qui il veut et il est restreint. Donc il accorde à certains, il restreint à d'autres. Comme on l'a déjà vu dans des hadiths qui ont été cités précédemment. Et Allah Azzawajal, il a aussi dit dans son noble livre: Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. Fama alladhina fuddilu bi radin. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. Donc Allah Azza wa Jalla dit en traduction approximative, Allah a favorisé certains d'entre vous par rapport à d'autres dans l'octroi de la subsistance. Ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qu'ils possèdent de plein droit, esclaves, c'est-à-dire les esclaves, au point qu'ils y deviennent associés à part égale. Nieront-ils le bienfait d'Allah? Allah a favorisé certains d'entre vous par rapport à d'autres dans l'octroi de la subsistance. Ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qu'ils possèdent de plein droit, c'est-à-dire leurs esclaves, au point où ils y deviennent associés à part égale. Nieront-ils le bienfait d'Allah? Donc, dans ce verset est une preuve donc. Dans le fait que dans ce verset, il y a le fait que les gens ne sont pas égaux en ce qui concerne les faveurs d'Allah Azza wa Jal. Les gens ne sont pas égaux, donc ce verset prouve que les gens ne sont pas égaux en ce qui concerne les faveurs d'Allah Azzawajal. Il a favorisé certaines personnes par rapport à d'autres. Et dans ce verset, il y a aussi la reconnaissance de la propriété privée. Donc, ceci est donc en contradiction claire avec l'idéologie communiste. Dans ce verset, donc, il y a la reconnaissance de la propriété privée par sa parole. Ma malakat hein? Ils ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qu'ils possèdent. Allah Azzawajal leur a reconnu la propriété de leurs esclaves en disant Ma malakat ceux qu'ils possèdent de plein droit. Ce qu'ils possèdent de plein droit, c'est-à-dire les esclaves, au point qu'ils y deviennent associés à part égale. Donc, ceci donc vient en contradiction avec cette fausse idéologie qu'est l'idéologie communiste, qui ne reconnaît pas la propriété privée et pour qui tous les gens doivent être égaux dans ce qu'ils possèdent. Et ce système, donc le système communiste, a été incarné par l'ex-Union soviétique. Et comme le système capitaliste est incarné, a été incarné, est toujours incarné aujourd'hui par les États-Unis d'Amérique. Donc, tous les deux systèmes, le système capitaliste et le système communiste et socialiste, sont des systèmes qui sont voués à l'échec. Le système islamique, qui est de révélation divine, est le meilleur pour une société harmonieuse et il se situe donc entre les deux. On reconnaît au propriétaire des biens son droit sur ses biens. On lui reconnaît le droit sur ses biens pour lesquels il a travaillé et pour lesquels il s'est fatigué. Il s'est fatigué à amasser cela et mais le système islamique, donc, le système islamique, donc, lui reconnaît ce droit, sauf que il doit amasser ses biens par une manière, par une voie légiférée, par des voies licites et légiférées. Cela doit être fait par. Il doit rechercher le gain par des voies licites et légiférées pour qu'il y ait une baraka dans cet argent qu'il amasse et il doit donc en sortir de cet argent la zaka qui est donc un pourcentage, une partie qu'il reverse aux pauvres et aux indigents. Donc c'est cela la zaka. Et cette zaka donc purifie cet argent des péchés qu'on peut faire par la parole et les actes, lorsqu'on gagne de l'argent, lors des transactions, lors de l'acquisition des biens, on peut, lors des transactions, commettre certains péchés par la parole ou par les actes. Donc la zakat est une manière aussi donc de purifier cet argent de ces petits péchés, de ces péchés qu'on peut faire dans l'acquisition des biens ou autres. Et donc, pour l'islam, la manière dont on gagne l'argent est donc importante. La manière dont on gagne l'argent est importante, contrairement donc au système capitaliste, outrancier où peu importe la manière, l'essentiel est d'amasser des capitaux. Pour les capitalistes, peu importe la manière, peu importe, même si c'est par le vol, l'escroquerie, l'oppression des gens et des semblables. Donc tous les moyens sont bons pourvu qu'on amasse des capitaux. Et voilà. Et c'est pour ça qu'ils autorisent donc le riba, l'usure, ils autorisent donc les jeux de hasard. Le riba, mes frères, c'est le riba, l'usure, c'est l'exploitation des pauvres. Le riba, une des raisons pour lesquelles ça a été interdit dans l'islam, une des sagesses pour lesquelles le riba ça a été interdit, l'usure, c'est parce que c'est une exploitation des pauvres et des nécessiteux. Donc, quelqu'un est coincé, il est dans l'indigence, il est pauvre, il a besoin d'argent, et la seule alternative qu'on lui donne, c'est d'aller emprunter en y ajoutant des intérêts qui vont le maintenir donc dans sa précarité. Ces intérêts-là vont le maintenir dans sa précarité. Et donc, c'est exploiter le pauvre. C'est exploiter le pauvre parce qu'il ne faut pas profiter. Donc, l'islam ne cautionne pas de profiter donc de la vulnérabilité, la vulnérabilité de la personne. La personne est dans une situation vulnérable et c'est là où tu profites donc pour t'enrichir sur son dos. Pour t'enrichir sur son dos. C'est pour ça donc que l'islam a interdit l'usure et le riba. L'islam a interdit l'usure. Le système capitaliste encourage à ce genre de choses. Parce que pour eux, l'essentiel, c'est d'accumuler des richesses, d'amasser des biens, même si on exploite les gens et qu'on les escroque et qu'on les opprime. C'est la même chose pour les jeux de hasard. Les jeux de hasard, mes frères, c'est les loteries et tout ça. C'est l'exploitation du pauvre. C'est des escroqueries légiférées. C'est des escroqueries légalisées, je veux dire. C'est des escroqueries légalisées. Parce que dans les jeux de hasard, comme on sait, ce n'est que celui qui. Ce n'est que le celui qui est à la base de cela qui est le gagnant, qui est le véritable gagnant. Même si on va vous sortir un gagnant de temps en temps et par-ci, par-là, mais voilà, c'est des systèmes où vraiment on exploite la pauvreté des gens et le fait qu'ils aspirent à la richesse. Et voilà, on les essore du peu des miettes qui leur restent. Voilà. C'est pour cela donc que dans le système capitaliste, il légalise tout ce genre de choses. Parce que c'est toujours pour. C'est les gens qui ont les grands capitaux qui se permettent qui sont toujours derrière ces sociétés de jeux de hasard ou ces sociétés de prêt à usure. Donc ils s'enrichissent comme ça sur le dos ils continuent à s'enrichir sur le dos des pauvres. Alors que dans l'islam, le pauvre, il a la zakat qui vient, hein, on a pensé à lui, la zakat vient atténuer sa situation et vient le sortir. Si la zakat était correctement collectée et distribuée aux pauvres, beaucoup de musulmans qui sont dans des difficultés seraient vraiment très soulagés chaque année lorsqu'on leur reverse la zakat. Donc c'est pour cela donc vous voyez que le système capitaliste il ne se gêne pas de quelle que soit la manière. Tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons pour amasser de l'argent, quelle que soit la manière. Même si tu fais, quelle que soit la manière, l'essentiel c'est d'amasser des grosses fortunes. Et c'est pour cela que vous les voyez donc imposer aussi des taxes de toutes sortes. On impose des taxes, des impôts, des redevances injustes aux gens. Comme par exemple les taxes douanières. Les taxes douanières, c'est de l'injustice. Toutes sortes de taxes. Et c'est pour ça que l'islam, c'est l'occasion pour moi ici de dire qu'en dehors de la zakat, tout impôt et toute taxe, ou toute redevance, ou tout droit, ou tribut, ou quoi que ce soit, qu'on impose aux gens de payer, c'est haram. Tout ça, c'est haram. Si on paye, c'est parce qu'on est contraint. Voilà, les dirigeants qui imposent cela rendront compte. Yawm al-Qiyamah. Donc, ceci fait partie de ce qu'Allah Azzawajal a interdit. Allah Azzawajal a interdit cela dans son noble livre. Le fait de manger l'argent d'autrui sans droit. Qala Allah Azzawajal. Wala ta'kulu amwalakum. بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون Donc Allah Azzawajal a dit dans son noble livre en traduction approximative du sens, et ne mangez pas vos biens entre vous injustement, et ne vous en servez pas pour corrompre des juges, pour vous permettre de manger une partie des biens des gens injustement et sciemment. C'est le verset donc 188 de Sourate Al-Baqarah. Donc à la suite de ceci, il convient donc de dire que tout ce qui est marchandise saisie, tout ce qui est marchandise saisie, que ce soit par la douane, que ce soit ou par un autre organisme d'État dans les pays, parce que les gens n'auraient pas payé telle taxe ou telle redevance ou tel impôt, tout ceci, le musulman doit s'écarter du rachat de telles marchandises. Parce que cela, c'est de l'injustice et le musulman ne doit pas participer à ça, ni le cautionner. Donc, ça, c'est quelque chose qui est haram. Donc, on voit donc la zakat, c'est. Par exemple, les ventes aux enchères de véhicules ou autres marchandises saisies par les douanes ou autres services étatiques, il faut s'en écarter. Il faut pas participer à ce genre de ventes aux enchères et pour acheter ce genre de marchandises. Parce que les gens, ils ont dépensé de l'argent pour acheter leurs marchandises et à cause d'un impôt injuste, on leur saisit leurs marchandises. Vous voyez un peu l'injustice. Vous voyez un peu l'injustice. Donc, il faut. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens parmi les musulmans qui ne sont pas au courant de ce jugement-là. Et c'est quelque chose qui a propagé autour de nous. Tout ce qui est marchandises saisies par l'État, par les services étatiques, par les douanes ou autres, voilà, c'est haram. Faut pas racheter ces marchandises-là. Faut s'écarter de ça. Parce que c'est une injustice. C'est une injustice. Et à la base, on n'a pas à payer ces taxes-là. On n'a pas à payer cette taxe-là. La seule taxe qui est reconnue par l'islam, le seul impôt qui est reconnu par notre dîn, c'est az-zaka. Et les fatwas de nos savants sur le sujet sont nombreuses. Les fatwas de nos savants sur le sujet sont nombreuses. Je n'ai pas voulu les citer ici pour ne pas être trop long. J'ai pas voulu les citer pour ne pas être trop long, mais elles sont nombreuses. S'il le faut, on peut les citer et les traduire, mais ça serait un peu trop long pour notre séance d'aujourd'hui. Mais elles sont nombreuses concernant ce sujet des douanes et de cette taxe et redevances qui sont imposées, qui sont injustes. Et les savants ont indiqué que si les dirigeants des pays musulmans, parce que bon, les koufars, on sait déjà que voilà, ils font plus grave que ça, donc moins que ça, c'est pas un problème pour eux. Mais les dirigeants de nos de les dirigeants des pays musulmans, les savants ont indiqué que s'ils s'activaient à collecter la zakat comme il se doit. S'ils s'activaient à collecter la zakat comme il se doit, donc ils auraient certes ce qui leur permettrait largement de se passer de toute autre taxe ou redevance ou impôt. Et c'est incroyable de constater que à notre époque, dans beaucoup de pays musulmans, les gouvernements et les États ne collectent pas la zakat. Ils laissent souvent des associations ou des fondations ou des organismes privés se charger de ce genre de choses, alors que normalement, c'est l'État qui devrait se charger de collecter la zakat et contraindre même les gens qui ne la payent pas à la payer. Et voilà. Et là, dans ce cas-là, il serait même permis de saisir les biens de ceux qui ne payent pas la zakat. Il leur serait permis de les réprimer et de saisir leurs biens. Mais c'est le seul impôt C'est le seul impôt qui leur est permis de collecter. En dehors de ça, tout autre impôt, taxe et redevance, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Donc, vous imaginez donc une société dans laquelle il n'y a que la zakat à payer. Quel bien ça pourrait faire à tout le monde. À tout le monde. Et il n'y aurait pas besoin de paradis fiscaux ou des choses de ce genre. Donc si les dirigeants des pays musulmans ils s'activaient pour collecter cette zakat, ça ferait énormément d'argent qui rentrerait dans les caisses de ces États et qui leur permettrait de se passer de ces autres impôts bidons et injustes. Et donc, ça serait un khair pour tout le monde. Ça serait un khair pour tout le monde. Parce que vous imaginez, tu importes des marchandises ou tu exportes des marchandises sans avoir de douane ou d'autres taxes à payer. Voilà. Et tous les bénéfices que tu fais dans tes affaires, dans ton business, dans tes affaires, tous les bénéfices que tu fais, ce sont tes bénéfices à toi. Sauf que tu dois enlever la zakat sur ça. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui quittent les pays européens, les pays d'Occident ou les États-Unis pour s'expatrier ailleurs, comme à Dubaï ou dans certains endroits, parce qu'ils veulent fuir ces taxes et ces impôts-là. Ils veulent fuir ces taxes et ces impôts qui sont injustes. Et ils veulent aller vers des destinations où les impôts et les taxes sont moins. Donc ça nous permet donc de comprendre la perfection de la législation qu'Allah Azzawajal nous demande d'appliquer. Cette législation islamique. Donc si on applique il nous suffit juste d'appliquer le kitab et la sunna. On applique le kitab et la sunna en dehors de la zakat. Donc tout ce que tu gagnes, c'est pour toi. Tu importes des produits. Tu exportes des produits, il n'y a pas de TVA ou de droits de douane ou de taxes ou de redevances ou de quoi que ce soit à payer. Voilà. Ça serait un grand frère pour l'économie de beaucoup de pays. Et ça favoriserait beaucoup de commerçants dans leurs activités. Donc c'est un frère immense. Il nous suffit donc d'appliquer le kitab et la sunna. Donc la zakat donc démontre la perfection de la charia islamiyya vers laquelle donc il nous est impératif de revenir pour une vie heureuse et harmonieuse ici-bas. Donc on va se contenter de ça pour cette fois. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.